15 à 1. Vanessa habite en ville, mais tous les dimanches matins, elle part à la cueillette des fruits et légumes dans une ferme bio à 30 km de chez elle. Elle rentre à la maison avec des produits très frais et ne doit plus aller au supermarché pour les acheter. 2. Aujourd'hui, Alexandre travaille chez lui avec un ordinateur et une connexion Internet et ne doit plus faire 100 km par jour pour aller travailler. Il peut profiter de ses enfants et de sa maison. 3. En France, le médecin généraliste est le professionnel de la santé le plus consulté. À la campagne, les médecins doivent beaucoup se déplacer de malade en malade et souvent, ils ne peuvent pas prendre le temps de manger à midi.